Quatrième et dernier temps de notre histoire des sensibilités dans la fabrique de l'histoire. Aujourd'hui, le débat avec trois des rédacteurs du numéro de la revue 20e siècle sur ce thème. Ce matin, nous allons nous demander pourquoi, comme nous l'explique dans son numéro des 30 ans, la revue 20e siècle, les historiens du siècle dernier ont parfois eu une certaine réticence vis-à-vis de l'histoire des sensibilités qui pourtant se développaient dans d'autres périodes historiques. Nous allons aussi parler des chantiers en cours pour cette histoire qui est à la fois une histoire des sens, bien entendu, mais aussi une histoire des émotions. Pour en parler avec Perrine Cabran, qui a préparé cette semaine avec nous, Christophe Granger, il est historien, il est chercheur associé au Centre d'histoire sociale du 20e siècle et il a coordonné ce numéro justement de la revue 20e siècle consacrée à l'histoire des sensibilités au 20e siècle. Hervé Mazurel est également avec nous, il est maître de conférence à l'Université de Bourgogne, il est auteur d'une thèse publiée aux Belles Lettres sous le titre « Vertige de la guerre, Byron, les Philhellènes et le mirage grec ». Et Clémentine Vidal-Naquet enfin est avec nous, elle est docteure en histoire et post-doctorante au LABEX « Écrire une histoire nouvelle de l'Europe ». Elle a soutenu sa thèse l'année dernière, thèse publiée bientôt avec une préface d'Arlette Farge aux éditions des Belles Lettres sous le titre « Couple de la Grande Guerre, le tragique et l'ordinaire du monde conjugal ». Et elle publie également le mois prochain dans la collection bouquins « Correspondance conjugale 14-18 dans l'intimité de la Grande Guerre ». Bonjour Perrine Cabran. Bonjour. Et merci de nous accompagner donc toute cette semaine autour de ce thème de l'histoire des sensibilités. Bonjour Clémentine Vidal-Naquet. Bonjour. Bonjour à vous Hervé Mazurel. Bonjour. Et bonjour à vous Christophe Granger. Bonjour. Vous avez donc coordonné ce numéro de 20e siècle qui nous a donné l'idée de faire cette semaine autour de l'histoire des sensibilités puisque, comme je disais en ouverture de cette émission, eh bien, tout compte fait, au 20e siècle, les historiens du 20e siècle semblent s'être moins intéressés à cette histoire des sensibilités et aux, disons, aux idées de Lucien Febvre qui remontent au milieu des années 40 que les historiens du Moyen-Âge, de l'époque moderne ou de l'Antiquité. En fait, le point de départ du numéro, c'est ça, c'est de se demander et d'abord se poser la question et ensuite essayer d'apporter des bribes de réponses. Pourquoi au XXe siècle, cette histoire-là, il suffit qu'on... On place le curseur au siècle précédent avec Alain Corbin au 19e siècle et Arlette Farge au siècle précédent. Au 18e et ainsi de suite pour se rendre compte qu'il y a eu, sans parler d'école, il y a eu une historiographie qui s'est constituée autour de ces questions-là et autour notamment de l'appel de Lucien Febvre de 41, comment reconstituer la vie affective d'autrefois. Et moi, en tant que spécialiste du XXe siècle, il faut bien se rendre compte que ça n'a pas pris. Enfin, ça n'a pas pris autant, en tout cas. Ça a pris de manière éparse. Souvent, alors je vais me faire des ennemis parmi les auditeurs, mais souvent comme un supplément d'âme, c'est rajouter un peu de chair à l'histoire qu'on est en train de faire, mais pas comme un objet d'étude à part entière et encore moins comme un mode d'intellection des hommes et des femmes du passé. Voilà. Donc ça, c'était le point de départ. Alors, Hervé Mazurel, vous avez écrit un article dans ce numéro de 20e siècle donc, qui tente de faire la généalogie, pourrait-on dire, de cette histoire des sensibilités. Une généalogie dont vous dites qu'elle est tronquée, un peu faussée, puisque généralement, quand les historiens évoquent cette histoire des sensibilités, ils partent de cet article des Annales, donc du cofondateur des Annales qui était Lucien Febvre en 1941, et puis ils descendent comme ça en passant par d'autres membres des Annales, Georges Duby, d'autres, jusqu'à Alain Corbin. Et ils disent, voilà, c'est à peu près ça la généalogie de cette histoire et comment elle est arrivée jusqu'à nous et comment des chercheurs d'aujourd'hui peuvent la pratiquer. Et vous vous dites, on en oublie une racine, pourrait-on dire, germanique et en particulier de la philosophie germanique, donc de l'Allemagne et de tout ce qui s'est passé aux alentours de 1880, 1850, 1880 en Allemagne. Oui, l'idée pour moi, c'est de réinscrire l'histoire des sensibilités dans la longue durée, en quelque sorte. En tout cas, elle s'inscrit, elle prend racine plus en amont et... À mon sens, la rupture fondamentale, c'est celle qui s'opère dans l'histoire de la philosophie. C'est pour ça que je fais un détour par l'histoire de la philosophie. Ce basculement qui s'opère avec Nietzsche, qui va réévaluer la place du corps, de la vie sensible, de la vie des affects, dans les déterminations des conduites humaines en philosophie. Tout d'un coup, contre l'idéalisme allemand, le platonisme, il donne une dignité philosophique au corps, à la vie sensible, aux affects. Et donc tout le problème, c'est ensuite de savoir comment cela s'est traduit historiographiquement parlant. Et ça a demandé beaucoup de temps. Et je crois qu'ensuite, après Nietzsche, il y a cette triade finalement, Nietzsche, Marx, Freud, l'ère du soupçon, les maîtres du soupçon, étudiés par Michel Foucault dans un article lumineux sur cette triade-là. Et les trois invitent finalement à se défaire des approches de l'homme en société qui ne visent que la raison, les idées, la conscience. La rationalité. Et derrière, il s'agit de montrer qu'en coulisses agissent un sous-sol affectif, le jeu des pulsions, des désirs, des instincts, des intérêts matériels, Marx pour le coup, des appétits aussi. Et donc, derrière tout ça, il y a cette, je crois que l'histoire des sensibilités s'inscrit vraiment dans cette rupture philosophique. Et du coup, c'est une histoire critique pour moi, vraiment. Perrine Carbrand. Oui, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se poser la question de savoir si c'est une influence finalement consciente ou inconsciente, justement, puisqu'on parle de l'inconscience. Mais c'est cette idée, est-ce que finalement cet héritage, parce que quand on lit les extraits que vous mettez donc dans cet article, notamment il y a cet extrait qui est très beau de Nietzsche, jusqu'à présent tout ce qui a donné de la couleur aux choses n'a pas d'histoire. Où trouverait-on par exemple une histoire de l'amour, de l'avidité, de l'envie, de la conscience, de la piété? Enfin, voilà. Il y a des choses comme ça qui sont très parlantes, mais est-ce que ce sont des textes qui ont été lus et qui ont été utilisés réellement par les historiens par la suite? Dans le Gai Savoir, vous trouvez vraiment un programme d'histoire des mentalités, mais aussi des sensibilités qui sont déjà là, présent. Il va falloir presque un siècle pour mettre en œuvre tout ça. Et en fait, il me semble que ça passe par un moment dans les années 1900. Il y a un moment 1940 où vous trouvez dans toute la sociologie critique allemande et dans l'historiographie allemande, je pense à Georg Simmel, à Krakauer, d'une certaine manière Walter Benjamin, la psychologie des profondeurs. Et donc, tout à coup, un intérêt réel pour le facteur psychique en histoire, pour ce qui relève du facteur psychique et des sensibilités en histoire. Et quand on regarde finalement de l'autre côté du Rhin, d'abord, ce n'est pas du tout étonnant, Lucien Febvre était à Strasbourg, a communiqué via Strasbourg, et comme aussi Maurice Holbach, dont Christophe Granger a retrouvé un texte magnifique, il y a une communication bien plus forte qu'on ne le pense, il me semble, des deux côtés. Entre école française et école allemande. Et vous ne savez pas du tout, finalement, vous trouvez aussi un projet de psychologie sociale et historique, vous le retrouvez chez des auteurs, des élèves de Durkheim, on ne s'attend pas à voir chez Maurice Holbach ou Marcel Mauss un travail sur les émotions et une compréhension de l'historicité des émotions et du poids du social sur les manifestations de l'émotion. Donc je crois vraiment qu'il y a, il y a un moment, 1940, et donc en quelque sorte, pour finir, je pense que le projet de Lucien Febvre et le projet de Norbert Elias, donc le processus de civilisation, C'est 1939. Donc cette idée, effectivement, qu'il y aurait tout au long des 17e, 18e et 19e siècles, une pacification des sociétés par l'intermédiaire justement de contrôle des mœurs, d'une certaine façon, c'est chez Norbert Elias. Tout cela, ça aurait conduit à cette pensée de Lucien Febvre en 1941. Alors, et du coup, Lucien Febvre et Norbert Elias, c'est à peu près au même moment. Mmh. Et c'est, pour moi, ce n'est pas un début, c'est une fin. En quelque sorte, ce n'est pas le début de l'histoire des sensibilités, c'est déjà au bout d'un processus. Alors, il faut peut-être aussi pour nos auditeurs, parce qu'on en a parlé depuis le début de la semaine, Christophe Granger, expliquer en quoi l'histoire des sensibilités, ça n'est pas l'histoire des sens, ça n'est pas que l'histoire des émotions, comment... Ni l'histoire des mentalités. Ni l'histoire des mentalités, qui était effectivement ce qu'on a beaucoup promu, en particulier dans la foulée de l'école des annales, dans les années 60-70, en France par exemple. Qu'est-ce que cette histoire des sensibilités, en quoi elle diffère de ce qu'on pourrait en penser comme ça de l'extérieur? Ouais, c'est une vaste question, parce que comme l'a dit Hervé, disons que la généalogie est compliquée, mais l'histoire des mentalités a fait un peu de l'ombre à cette histoire des sensibilités-là, même si, d'une certaine manière, ce sera amusant de regarder à quel moment on se met à arrêter de mettre en avant l'histoire des mentalités et à parler d'histoire des sensibilités. Donc il y a des transitions. Il faut dire aussi à nos auditeurs qu'il y a des modes en histoire. Il y a des modes, exactement. Et que l'histoire des mentalités qui était si à la mode dans les années 70 et 80 quand je commençais mes études, effectivement, est passée de mode, a même été assez vertement critiquée, y compris par des gens comme Roger Chartier ou d'autres. Absolument. Et donc, au bout du compte, qu'on ne veut plus utiliser ce terme d'histoire des mentalités qui recouvrait plus ou moins ce domaine décrit par Lucien Febvre en 1941 et qu'on utilise maintenant le terme d'histoire des sensibilités. Oui, puis il y a tout un jeu d'étiquette, c'est-à-dire qu'on a parlé à un moment de psychologie historique plutôt que d'histoire des mentalités ou plutôt que d'histoire des sensibilités. Bon, pour revenir à la question, moi ce qui me semble intéressant dans l'histoire des sensibilités, c'est à la fois qu'elle est un domaine, comme on l'a dit, qui habituellement échappe ou au moins dans le sens commun, échappe à ce que sont les travaux des historiens, c'est-à-dire le corps, les peurs, les pulsions, les passions, mais aussi cette histoire-là, j'allais dire le devoir, au moins la capacité de se demander, d'une part, ça, comment ça naît, c'est-à-dire une peur, bah c'est bien gentil, mais une peur à quoi, une peur à quel moment, et pourquoi les peurs ne sont pas les mêmes, et pourquoi les peurs ne sont pas les mêmes au XVIIIe siècle et au XXe, exactement, c'est-à-dire les objets, pour garder l'exemple de la peur, les objets sur lesquels, à partir desquels elle naît, mais aussi, et ça c'est l'autre côté, qu'est-ce qu'on en fait en société, c'est-à-dire quelle place on lui accorde, et puis qu'est-ce qu'on fait en son nom, que ce soit des peurs, des passions, des émotions, comment est-ce qu'on les fait parler, et comment est-ce que ça devient. Alors, je pense que évidemment, il faut pas opposer rationalité, sensibilité, ainsi de suite. Mais dans quelle mesure ça devient, je pense par exemple en histoire politique, ça me semble extrêmement important, dans quelle mesure ça devient un moteur d'action pour les hommes et les femmes du passé? Dans quelle mesure on peut comprendre que, ben, je ne sais pas, à l'exemple d'aujourd'hui, la décapitation d'un otage, absolument, fait interagir tout un tas de, je vais les appeler comme ça, des émotions, des peurs, des indignations. Mais dans quelle mesure ça, c'est un ressort... Ils vont peut-être faire descendre des gens dans la rue, voilà. Dans quelle mesure... Transformer en manifestation publique, exactement, et politique. Comment c'est agissant, comment ça fait agir, voilà. Et dans cette mesure-là, il me semble qu'on est, on a été loin de l'histoire des mentalités qui, alors là aussi je vais me faire des ennemis, était plutôt dans la passivité des répertoires, c'est-à-dire on prend une époque, on essaie de déterminer quelle pouvait être la mentalité dominante. En allant plus loin dans la caricature, on ne se soucie pas trop de savoir quel mode de domination mettait en avant les sources qui permettent d'en parler. Bon, je pense que l'histoire des sensibilités se dégage de ça pour construire quelque chose de beaucoup plus complexe. Et de descendre aussi dans une sorte d'individualité, Clémentine Vidal-Naquet, puisque vous avez travaillé pour votre thèse justement sur la question des couples au milieu de la Grande Guerre. Vous avez conçu pour cet article du numéro 20e siècle quelque chose autour de la séparation au tout début de la Grande Guerre, en août 14, et les récits qu'on en a fait de ces séparations d'hommes et de femmes, l'homme étant obligé de partir au combat, les femmes restant à l'arrière, etc. Ça rentre dans l'histoire des sensibilités. Par quel moyen, comment est-ce que vous raccrochez à cette histoire des sensibilités, Clémentine Vidal-Naquet? Je pense que je m'y raccroche de différentes façons. Pour cet article-là de 20e siècle, moi, je me suis interrogée sur ce qu'on disait des émotions, de la mobilisation, comment est-ce qu'on représentait, qu'est-ce que les journalistes, très concrètement, montraient de la mobilisation. Donc on a des images, des photos, ce sont toujours des photos de foule, hein, parce qu'on n'individualise pas justement les moments de la séparation, alors que dans les journaux, à l'inverse, ce qui est montré pour rendre sensible, en fait, dès l'époque, hein, en 1914, personnaliser la séparation et donner un sens fort à la mobilisation réussie, ben on individualise des scènes, et ce sont des scènes de séparation familiale, conjugale. Et on montre, du coup, les journalistes, en individualisant, ben, donnent chair à ces séparations-là. Les pleurs des hommes aussi, mm-hmm, les pleurs des femmes, et d'un seul coup, on raconte une histoire à partir d'une toute petite histoire, parce qu'on ne peut pas raconter, en tant que journaliste, la totalité de ce qui est en train de se passer avec une mobilisation générale. Oui, et puis l'idée très nette, je pense, de ce moment-là de la mobilisation, c'est de montrer l'émotion ressentie par les mobilisés et leurs familles, et donc de montrer que si la mobilisation a réussi, c'est qu'on a répondu à un défi émotionnel extrêmement fort et que donc on est ici dans un champ très grand, hein, de mobilisation très fort, au-delà même de l'appel à de défense à la patrie. Périne Carmont. Oui, puis dans cet article aussi, on vous montrait bien finalement comment ces processus individuels s'intègrent complètement dans quelque chose de beaucoup plus global au niveau de la société, sur le rôle de la femme, le rôle de l'homme, la façon dont l'homme se doit d'être volontaire, dont on se doit finalement de trouver aussi l'accord de la femme d'une certaine manière. Donc il y a aussi toutes ces questions-là qui font qu'on peut faire un lien entre le particulier, l'intime, et puis le social et le politique. Oui, si on en reste en fait à ces épisodes-là, à ces scénarios montrés dans les journaux, ce qui est encore plus frappant, c'est non seulement donc l'individualisation dont on a parlé, mais c'est aussi le fait qu'on décrit les larmes et que les observateurs montrent les larmes. Qui pleure, qui ne pleure pas, qui a le droit de pleurer, qui n'a pas le droit de pleurer. Il y a un article, par exemple, qui s'intitule « Ceux qui restent, celles qui restent et ceux qui partent ». Et c'est vraiment la scission, hein, entre deux mondes, qui est le moment même de la mobilisation, entre les hommes mobilisés et les femmes de l'arrière, les hommes n'ayant pas le droit de pleurer, et les femmes ayant le droit de pleurer, mais simplement dignement, hein, en essayant de mesurer leurs émotions. Et cela, effectivement, ça s'inscrit dans une longue histoire. Je me souviens d'un livre il y a une vingtaine d'années maintenant, peut-être quinzaine d'années, de Piroš Kanadj, par exemple, qui s'appelle L'histoire des larmes, je crois, au Moyen-Âge, un travail qu'elle avait mené avec Jacques Le Goff en particulier. Effectivement, ce Moyen-Âge, c'est tout de suite intéressé au don des larmes, puisque c'était le titre du livre, effectivement, le don des larmes au Moyen-Âge, au don des larmes. Et d'une certaine façon, le XXe siècle, un peu à retard, avec une dizaine ou une vingtaine d'années, se pose la même question avec vous, Clémentine Vidal-Naquet. En tout cas, c'est ce qui m'a frappé, moi, dans la lecture de ces journaux et dans ensuite les correspondances sur lesquelles j'ai travaillé. C'est-à-dire que les larmes étaient en fait au centre et pouvaient dire beaucoup plus que simplement. Les larmes sont politiques ? Est-ce que les larmes sont politiques ? En tout cas, elles sont un langage. Voilà. Et que. Perrine, Garon. Et puis, ça permet aussi de questionner, finalement, à travers ce travail, la façon dont, avec la séparation, les couples sont obligés de redéfinir leur amour, leur rôle, leur relation. Et ça oblige à exprimer ses sentiments. Et ça, c'est quelque chose qui, du coup, est très collectif. C'est-à-dire que tout le monde, à ce moment-là, a dû, d'une manière ou d'une autre, chercher à exprimer ce qu'il ressentait par écrit, enfin, en tout cas pour ceux qui écrivaient, à leur conjoint. Oui, alors. Ils sont extrêmement nombreux à avoir écrit. Et on dit que c'est la plus forte production écrite au monde, jamais écrite au monde. Exactement, dans un laps de temps très court. C'est difficile à estimer le nombre exact de lettres échangées, mais on estime à une lettre par jour par combattant en moyenne écrite. Donc c'est absolument énorme. On parle de milliards de lettres échangées. Donc on a ici un matériau tout à fait nouveau qui permet d'avoir accès à l'expression des émotions, des sentiments, mais aussi du quotidien de façon plus générale. Et c'est la première conséquence de la mobilisation, c'est bien la séparation et donc l'entrée en écriture et bien de personnes qui n'étaient pas habituées à écrire et puis d'autres qui étaient habituées mais qui n'avaient pas besoin d'écrire et qui n'étaient pas habituées à écrire et qui n'étaient pas habituées, comme le disait Perrine Caron, à exprimer ouvertement des sentiments qu'il fallait au contraire cacher. Oui, ce qui est assez troublant pour certaines correspondance, c'est justement, là j'ai parlé de cette entrée en écriture, mais c'est aussi la découverte de l'expression des émotions. Je pense ici à une correspondance extrêmement touchante qui est échangée entre Césarine Pachou et son mari Joseph. Il part le 1er août, le 2 août, enfin après la mobilisation, dans les premiers jours de la mobilisation, et elle met un mois à lui écrire. Elle ne comprend pas l'importance de l'écriture, parce qu'elle pense que la guerre sera courte et que finalement elle n'est pas habituée à écrire. Et au bout d'un mois, elle comprend que la guerre va certainement durer un peu plus longtemps. Et elle écrit sa première lettre à son mari Joseph, une lettre remplie donc de détails matériels sur les travaux des champs, parce qu'elle est agricultrice. Et cette femme qui n'exprime que très peu ses émotions, au fur et à mesure, pendant la guerre, elle commence à raconter ses rêves, à donner ses désirs, à donner ses insatisfactions face à son mari qui ne lui dit pas assez son amour. Et elle exprime, elle découvre, par ce biais, par l'écriture même, une expression qu'elle ne connaissait pas auparavant. C'est le tango des bouchers de la Villette, c'est le tango des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et l'amourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne, faut que les gens aient à bouffer, faut que les gros puissent se goinfrer, faut que les petits puissent engraisser. Faut que ça saigne. Faut que les mandataires au wall puissent s'enfourrer plein la dalle du filet à 800 balles. Faut que ça saigne. Faut que les peaux se fassent tanner. Faut que les pieds se fassent paner. Que les têtes aillent mariner. Faut que ça saigne. Faut avaler de la barbaque pour être bien gras quand on claque et nourrir des vers comac. Faut que ça saigne. Bien fort, c'est le tango des joyeux militaires, des gais vainqueurs de partout et d'ailleurs. C'est le tango de tous les va-t-en-guerre, c'est le tango de tous les fossoyeurs. Faut que ça saigne. Appuie sur la baïonnette, faut que ça rentre ou bien que ça pète, sinon t'auras une grosse tête. Faut que ça saigne. Démolisant quelques-uns, tant pis si c'est des cousins, fais-leur sortir le raisin. Faut que ça saigne. Si c'est pas toi qui les grèves, les copains prendront la relève et tu joueras la vie brève. Faut que ça saigne. Demain ça sera ton tour, demain ça sera ton jour, plus de bonhomme et plus d'amour. voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. Les Joyeux Bouchers, le titre évidemment de Boris Vian, interprété cette fois-ci par les Garçons de la Rue en 1982. Vous écoutez La Fabrique de l'Histoire, il est 9h28. Cette Fabrique de l'Histoire, quatrième d'une semaine consacrée à l'histoire des sensibilités. Avec Perrine Carvran et moi-même Emmanuel Laurentin, nous recevons aujourd'hui Christophe Granger, Hervé Mazurel et Clémentine Vidal-Naquet à propos de la parution du numéro des 30 ans de la revue 20e siècle, une revue donc des presses de sciences politiques, donc sur l'histoire des sensibilités. Au XXe siècle, Christophe Granger, quand on entend « Faut que ça saigne » de Boris Vian, ça n'est pas pour faire référence à la grande boucherie de 1914 que connaît bien Clémentine Vidal-Naquet. Transition très fine. Très fin, mm-hmm. Effectivement. Pour évoquer deux des articles qui sont très intéressants, très roboratifs, pourrait-on dire, dans le numéro de XXe siècle, à savoir celui de Damien Baldin et d'Emmanuel Taïeb. L'un comme l'autre évoque la question du sang. Oui. Dans le XXe siècle et de l'éloignement progressif du sang de notre univers, le sang des animaux, le sang de la boucherie et le sang aussi des exécutions et des guillotines, exécutions publiques jusque dans les années 30 en France. Alors, je vais prendre ma casquette de directeur du numéro. Et il me semblait intéressant, si on les met ensemble, de faire exister au XXe siècle, parce que ça a été un débat pour les 19e et pour les 18e, de ces formes de paroxysme, c'est-à-dire la sensibilité à l'horreur. Qu'est-ce qu'on en fait je pense Anne Carroll, pour l'histoire de la mort au XIXe siècle, Peine Capitale. Même enfin, on ne va pas tous les citer, mais le bouquin d'Alain Corbin sur le village des cannibales. Bon, qu'est-ce qu'on fait de ça? Il me semblait important que pour faire exister cette histoire des sensibilités au XXe siècle, on fasse une place, en commençant, si tant est que ce soit un commencement, à ce genre de sensations ou d'émotions qui peut aller de l'épouvante à la simple indignation. Bon. Alors, les deux articles sont quand même très différents, dans la mesure où ils traitent de sujets différents, comme vous l'avez dit, mais aussi parce qu'ils ont une approche, je dirais presque épistémologique, ou en tout cas de méthode assez radicalement opposée à celui de Damien Baldin. En fait, il nous décrit comment est-ce qu'on est passé d'un régime de sensibilité, puisqu'il emploie l'expression, où on s'est mis au courant du 19e siècle à faire attention à la façon dont la mise à mort des animaux pouvait engager des formes de répulsion. Pour rompre avec ce dont parlait Perrine avec Arlette Farge mardi dans le documentaire Les descriptions de Paris de Louis-Sébastien Mercier, le sang qui ruisselle dans les rues, il se caille sous vos pieds et vos souliers sont rougis, par exemple. Exactement. Il y avait une tolérance à la présence du sang animal et même au reste d'animaux tués, abattus dans les rues de Paris, pas qu'à Paris d'ailleurs. Et Damien Baldin décrit comment est-ce que, au courant du 19e siècle, cette tolérance-là se transforme. Et comment est-ce qu'elle se transforme sur de la longue durée? C'est-à-dire, d'abord, on est passé à une intolérance qui avait trait plutôt à la vue, c'est-à-dire à la vue de la mise à mort de l'animal. Donc, on se soucie peu, à ce moment-là, vers 1850, mettons, au moment de la loi Gramont, par exemple, on se soucie peu de la souffrance éprouvée par l'animal, mais ce dont on se soucie, c'est avant tout, est-ce que ça ne va pas engager dans la population qui passe ou qui voit ces étals de boucher, ou les enfants, ou les femmes, des formes de haut-le-cœur, ou de ressentiment, ou de dégoût, qui vont engager donc des troubles dans l'espace public. Et puis après, il y a un sentiment pour l'animal. C'est-à-dire, comment ça se renverse, à renverser. Exactement. Les vétérinaires commencent à se poser la question de savoir est-ce qu'il y a une souffrance animale, est-ce que c'est bien de les tuer comme on les tue. Et au bout du compte, on s'approche de notre situation actuelle. Ça, c'est le deuxième temps. Et donc, ce qu'il essaye de décrire, ce n'est pas simplement des seuils de sensibilité qui se transforment, mais c'est d'essayer de comprendre mais comment ça se passe. C'est-à-dire, est-ce que ça relève de simplement, est-ce qu'on peut s'en tenir aujourd'hui à dire, à un moment donné, on ne le tolère plus. Mais alors oui, mais pourquoi? Et donc, il décrit comment est-ce que les enjeux de l'hygiénisme, par exemple, qui faisaient voir des miasmes et des émanations nauséabondes, mais pas seulement nauséabondes, dangereuses pour la santé. Il décrit comment les vétérinaires ont construit un savoir qui a dépossédé, d'une certaine manière, les bouchers de leur pratique, de leur travail habituel. Il décrit également l'action, là, qui est extrêmement importante, l'action des associations de défense d'animaux. Et il montre comment tout ça pèse sur les transformations matérielles, concrètes, mais aussi les mots pour le dire, de la mise à mort de l'animal. C'est-à-dire on passe de la tuerie à l'abattoir. Qu'est-ce que c'est que l'abattage ? On euphémise dans les mots, mais en même temps, on éloigne de la vue du chaland. C'est-à-dire aujourd'hui, on n'a plus la vue de l'écarissage d'un animal ou du sang. Bon. Et puis surtout, ça pèse dans les modes de sensibilité. C'est-à-dire qu'on ne veut plus savoir d'où vient la chose qu'on mange, de savoir qu'elle est passée par ce... Et puis pour l'autre article que je citais en ouverture de notre discussion à l'instant même, Christophe Granger, celui d'Emmanuel Taïeb, il évoque là la question de la publicisation de l'exécution publique, effectivement, qui était même centrale depuis l'ancien régime jusqu'aux années 1930, au tout 39, début 1939, oui. À toute la fin des années 30, puisque le dernier exécuté publiquement, c'est Eugène Widmann, si je me souviens bien, en 1939. Eh bien, justement, il évoque cette question de est-ce qu'il est nécessaire ou pas de montrer, de faire la publicité de cette exécution publique et de voir le sang couler, en l'occurrence, mais pas simplement, aussi de voir tout le rituel qu'il y a autour de l'exécution, de la mise à mort d'un condamné. C'est ça. Moi, ce que je trouve comme sujet vraiment passionnant, c'est-à-dire comment est-ce qu'on est passé de la mise à mort qui servait à administrer, je sais pas moi, une leçon publique, mais aussi un spectacle public et ainsi de suite, à des débats qui mettent en avant le fait que... ça peut être dangereux, mais c'est surtout, c'est devenu intolérable pour la population qui regarde. Et donc, il faut, pas privatiser, mais reléguer la décapitation dans les cours de prison. Et ce que fait Emmanuel Taïeb, qui me semble décisif pour l'histoire des sensibilités, c'est qu'il se demande, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Est-ce que la question des sensibilités est centrale ou pas dans cette transformation-là ? Est-ce qu'on peut imputer le débat et ensuite la relégation de la décapitation dans un espace clos et fermé au regard à simplement... Au dégoût, voilà, ou à une transformation. C'est toute la question du goût et du dégoût. Est-ce que là, on est tellement dégoûté qu'au bout du compte, on ne veut plus voir ça ? Alors, il montre justement, ça a été une interprétation dominante, et il montre que finalement, il faudrait évidemment nuancer selon les catégorisations sociales de l'époque, qu'on n'exprime pas de la même façon dans différents milieux sociaux, mais à différents moments. Et il montre également que la place des sensibilités, et pour nous, ça c'est décisif, pose problème dans les archives qui restent. C'est-à-dire, pourquoi recourir au registre des émotions ou des dégoûts ou des haut-le-cœur dans les relations qui sont faites des décapitations ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça devient le registre dominant ? Un petit peu comme pour les larmes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'un les larmes de départ en 14, qu'est-ce qui fait que ça devient un registre légitime pour raconter quelque chose qui se passe ? Parce qu'on pourrait très bien avoir un registre moral d'un autre type, c'est-à-dire, c'est la sécurité ou le bras armé de l'État qui fait son œuvre. Et là, qu'est-ce qui fait qu'à certains moments, pas partout, dans les milieux royalistes, par exemple, on ne recourt pas à ce registre-là, ça fonctionne autour de la question des sensibilités. Et je trouve que là, dans cette mesure-là, on a quelque chose d'extrêmement précieux pour nous. Périne Carvran. Oui, puis ça permet aussi de faire des ponts avec justement ce qui a été fait pour l'histoire du XVIIIe siècle ou XIXe siècle au cours de la question des exécutions royales au départ, qui étaient donc des supplices très longs publics et puis qui finalement, on est finalement passé à la guillotine justement pour adoucir, entre guillemets, le sort. Donc ça permet aussi de faire des liens. Hervé Mazurel. Les pages les plus frappantes, c'est celle de Michel Foucault au début de Surveiller et punir, quand il décrit le supplice de Damien en place publique. C'est supplice atroce, des pages qui sont très marquantes. Et tout d'un coup, le basculement complètement du régime punitif vers le tout prison, le châtiment qui passe par la prison. Et puis, et justement, Alain Corbin avait déjà, en 19e, travaillé aussi cette question-là, en montrant la progressive disparition de l'exécution en place de grève, de moins en moins de monde, et puis une réflexion menée sur ce que ça pouvait générer chez les populations en présence de ce spectacle sanglant. Et donc, cette progressive disparition de l'exécution publique, dont Emmanuel Taïeb poursuit l'histoire, c'est un sujet fascinant. Mais il y a déjà ces prémices-là dans Le temps, le désir et l'horreur, c'est très fort chez Corbin, je pense. Dans une ferme du Poitou, un coq émet une pendule. Tous les goûts sont dans la nature. D'ailleurs, ce coq avait bon goût, car la pendule était fort belle, et son tic-tac si doux, que le temps ne pensait surtout qu'à passer son temps auprès d'elle. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule, de l'aube jusqu'au crépuscule, et même la nuit, comme un hibou. L'amour le rendant coctambule, des cocoricots plein le cou. Le coq rêvait à sa pendule du Poitou, du Poitou. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule. Ça faisait des conciliabules chez les cocottes en courroux. Qu'est-ce que c'est que ce coq, ce cocktail, ce drôle d'oiseau, ce vieux coucou, qui nous méprise et qui ne nous donne jamais un petit coup dans l'aile. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule. Ah mesdames, vous parlez d'un Jules, le voilà qui chante à genoux. Oh ma pendule, je t'adore, ah laisse-moi te faire la cour. Tu es ma poule aux heures d'or, mon amour, mon amour. Le coq et la pendule, pas simplement parce que ça parle de Poitou, Christophe Granger, mais parce que ça parle de ce chant du coq que vous mettez au cœur d'un des articles de ce numéro de la revue 20e siècle, revue d'histoire, donc aux presses de Sciences Po pour les 30 ans de cette revue 20e siècle, puisque vous y évoquez la question du bruit et de l'intolérance au bruit. On a eu la vue tout à l'heure avec la vue du sang, et maintenant c'est le bruit, c'est l'ouïe, donc c'est comment, progressivement, au fur et à mesure du 20e siècle, eh bien, on a commencé à considérer que trois coqs dans une cour de ferme, eh bien, ça pouvait, à Sedan, nécessiter une plainte qui a été retoquée par, oui, par la justice à ce moment-là. Mais il y en a d'autres qui sont venus plus tard, ou ensuite le bruit des cloches, ou le bruit du klaxon dans les rues. Tout cela, c'est une invention, dites-vous, du XXe siècle. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe aux alentours des années 50-60 qui justifie que le bruit devient de moins en moins tolérable. Oui, voilà, c'est ça. En réalité, bon, évidemment, comme on a pu le voir ici, c'est-à-dire l'histoire des sensibilités s'écrit sur du temps long, et c'est aussi un grand intérêt. Moi, ce qui m'a semblé intéressant, évidemment, c'était une forme de dommage ou de je sais pas comment il faut dire ça, de prolongement de Corbin, de ce qu'il avait fait sur les cloches. Et ce qui m'avait marqué, alors évidemment, il reconstituait la place des cloches dans les communautés rurales, dans les villages des campagnes du 19e siècle, et les heurts que ça pouvait susciter, la place de la cloche au moment de l'incendie, ainsi de suite. Et il y avait quelques phrases comme ça, surtout à la fin du 19e, début du 20e, sur les intolérances nouvelles à l'égard du bruit des cloches qui pouvaient déranger les riverains. Il me semblait intéressant de se demander comment est-ce qu'on en était arrivé à ce grand moment, années 50-60, qui est quand même, je ne suis pas spécialiste de la question, mais qui est, je l'ai croisé plein de fois, qui est une espèce de frénésie de récrimination à l'égard de réglementation. Et de réglementation. Parce que ces récriminations conduisent l'État ou les municipalités à choisir une réglementation. C'est ça, on réglemente à quelle heure on doit battre les tapis, sortir les poubelles, pour pas que ça... Interdiction du klaxon, enfin, en 1959. Bon. Et il se passe quelque chose à ce moment-là. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de remonter le fil et d'essayer de comprendre un petit peu ce qui s'était passé, de voir quel type d'association s'en était emparée et de voir surtout quelle place ce recours au sens, qui était celui de l'ouïe, à un moment donné devient central dans cette période des 30 Glorieuses, enfin, qu'on a appelé les 30 Glorieuses, de cette modernisation de la société française. Et comment ? Alors là, il y a des journalistes, il y a des spécialistes médicaux, il y a des spécialistes de l'urbanisme, des ingénieurs, et que tout le monde commence à travailler autour de cette question. On fait donc le fameux tableau des sons, ce qui est supportable, exactement, ce qui n'est pas supportable, au-delà de 90, de 90 décibels, par exemple. Et puis on crée aussi la nécessité peut-être de penser au droit au silence. Donc à partir de ce moment-là, on invente une nouvelle façon de percevoir l'environnement sonore de la ville. Alors, ce qui me semblait intéressant, c'est que toutes ces mobilisations que vous venez d'écrire, elles s'enracinent à la fois chez les médecins, chez les ingénieurs, comme vous avez dit, chez les spécialistes de l'ouïe, chez aussi ceux qui vont servir, qui sont souvent les médecins dont je parlais tout à l'heure, qui vont la Ligue contre le bruit qui se met en place dans les années 50-60 et qui va beaucoup lutter pour l'insonorisation des logements, et ainsi de suite. Et l'erreur habituelle, c'est de se dire, bon, ce serait une conséquence de la modernité, ça va être les grincheux, les antimodernistes qui vont... Et pas du tout ce qui se passe, c'est précisément précisément ceux qui sont en train de moderniser la France, qui prennent conscience que la modernité doit passer par ce confort, ce droit au silence pour lequel ils vont militer beaucoup. Périne Quimbrand. Et puis vous montrez aussi que c'est un marqueur social, c'est-à-dire que de la même manière que le dégoût face aux odeurs était un marqueur social de la bonne société qui s'offusquait finalement d'odeurs qui jusque-là ne la dérangeaient pas, de la même manière le son, l'intolérance au bruit, le désir de calme, les tentures et les intérieurs feutrés du 19e et du 20e sont aussi un marqueur social. Je pense que c'est le ressort le principal est social, c'est-à-dire la manière dont on commence à distinguer notamment le pauvre, le jeune, l'étranger, à partir du bruit qu'il fait et à partir de désagréments sonores dont il peuple encore le aujourd'hui. Le bruit et l'odeur. Le bruit et l'odeur, voilà. Et ça naît, Jacques Chirac, et ça naît dans les années 60, ça se cristallise véritablement autour de ça. Et ça me semble intéressant parce qu'on n'est plus dans est-ce qu'un seuil de tolérance change ou pas, on est dans, mais alors concrètement, qu'est-ce que ça produit, d'où ça vient, et ainsi de suite. Clémentine Vidal-Naquet, est-ce que vous avez l'impression, en travaillant comme vous l'avez travaillé sur votre objet, c'est-à-dire ces couples de la Grande Guerre, de participer à un mouvement historique ou historiographique en cours. Est-ce que ce qui est dit par vos collègues qui écrivent dans la même revue que vous, 20e siècle, ça vous parle, ça fait résonance et au bout du compte, vous vous dites oui, je suis dans un mouvement, dans quelque chose qui ressemble à un mouvement autour de cette question de l'histoire des sensibilités, Clémentine Vidal-Naquet. Oui, tout à fait. En fait, je me sens, moi, héritière, alors peut-être je ne reviens pas sur ce que dit Hervé, mais je me sens héritière des historiens que vous avez évoqués, Alain Corbin, Arlette Farge, évidemment. Et là, dans tout ce que j'entends, en fait, je me dis que dans cette histoire des sensibilités, on parle à la fois des sens, comme vient de le faire Christophe Granger, mais on peut aussi parler des sentiments, comme le sentiment amoureux sur lequel je me suis arrêtée, et puis les émotions. Et il me semble que si on arrive facilement à faire une différence entre ce qui relève des sens, l'ouïe, l'odorat, etc., on a un peu plus de mal, il me semble, et c'est à mon sens un terrain sur lequel il faudrait qu'on continue de réfléchir, à séparer en historien ce qui appartient à l'émotion qui surgit, l'émotion collective ou individuelle, et ce qui appartient au sentiment qui serait le cadre peut-être de surgissement de ces émotions. Enfin, il me semble que là-dessus, on a encore beaucoup à faire et qu'on appartient donc à ce grand champ d'histoire des sensibilités, mais qu'il y a encore des concepts à affiner, il me semble, en fait, dans l'histoire que l'on construit. Hervé Mazurel. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est en même temps c'est vrai qu'on avance beaucoup plus difficilement dans le champ des affects que dans le champ intellectuel, le rationnel. Ouais. Et la différence entre une émotion et un sentiment. Parce qu'on se méfie des sentiments. D'abord, oui. Bourdieu, d'ailleurs, avait dit que les intellectuels, l'intellectuel scolastique, comme il l'appelle, avait une sorte de identité professionnelle et par une espèce de rationalité, une hypertrophie de la rationalité, une tendance à ne pas vouloir travailler sur les affects et sur le corps. Là, ce que je rebondis juste sur ce que dit Clémentine, il me semble que la différence entre une émotion et un sentiment, c'est le rapport au temps. L'émotion est plus spontanée, plus immédiate, et en quelque sorte, une émotion qui se cristallise, qui perdure, devient un sentiment. Mais évidemment, c'est très ténu. Quand on arrive à ces degrés de raffinement, c'est complexe, évidemment. Périne Quimbrand. Et justement, sur cette question de l'histoire donc des sensibilités qu'on évoque depuis tout à l'heure, souvent, Arlette Farge évoque dans certains de ses textes le fait qu'on s'est longtemps méfié de l'histoire donc des sensibilités, notamment parce qu'on on peut la reléguer à une histoire un peu de la sensiblerie, du sentiment, quelque chose d'un peu féminin. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti aussi, cette méfiance, et puis cette manière de reléguer l'histoire de sensibilité dans quelque chose d'un peu féminin et donc d'un peu péjoratif? Alors, je me permets d'intervenir. Tout d'abord, une première précision qui rejoint complètement ce que vous venez de dire. Moi, je travaille sur l'amour pendant la guerre. Vous imaginez bien à quel point ça peut paraître un sujet mineur. C'est curieux, moi non, je ne dis pas du tout. Mais souvent, on sourit avec un air un peu condescendant en me disant « Ah, c'est mignon ». Bon, c'est mignon, sauf que ça donne accès, finalement, au cœur tragique de la guerre, donc à ce qui, moi, me semble essentiel. Mais a priori, les regards. De la même manière, on me dit qu'en faisant l'histoire des couples, je fais l'histoire des femmes. Donc je rappelle que pas forcément, puisque finalement, je fais l'histoire des relations. Voilà. Bon. Donc ça, c'est un premier point. Et il me semble que dans l'histoire des sensibilités, on est toujours un peu soupçonné, si vous voulez, d'un engagement personnel et d'un problème de mise à distance, comme si nos propres affects étaient forcément convoqués pour comprendre cette histoire. Et il me semble que tout l'enjeu, et c'est peut-être par des formes d'écriture qu'on peut s'en sortir. Il me semble que tout l'enjeu, c'est de trouver la distance juste entre ce qui provient des sources et ce qu'on engage personnellement pour en saisir la texture. Et c'est un problème énorme, mais qui ne se pose, à mon sens, pas seulement à l'histoire des sensibilités. Simplement, l'histoire des sensibilités, puisqu'on a ce soupçon constant de cet engagement des affects, force à une réflexion peut-être plus présente que dans d'autres champs historiques. Je suis complètement... Hervé Mazurel. Moi, j'ai ressenti ça, même en étant un homme, mais la méfiance que suscite l'histoire du sensible. Et finalement, chez beaucoup de collègues, une envie de rendre ça secondaire, périphérique, marginal, pour les pionniers, ceux qui veulent s'amuser, etc. Et moi, j'ai envie de leur dire, mais si vous vous concentrez seulement sur les idées, la rationalité, je dirais la conscience des acteurs, et que vous délaissez le sous-sol affectif, les pulsions, les désirs, votre histoire, elle est complètement mutilante, elle est limitée, c'est-à-dire qu'elle est aveuglante parce qu'elle est désincarnée, désaffectée, et d'une certaine manière, vous peignez incomplètement les sociétés d'autrefois. Mmh. On ne peut pas faire l'économie donc, de cette histoire-là. Vous revenez à Lucien Febvre. En fait. Je reviens à Lucien Febvre, on ne peut pas déserter. 1941, voilà. Périne Cavron. Et d'ailleurs, Christophe Granger, dans votre introduction, vous évoquez le livre de Virginia Woolf, Mrs. Dalloway, donc comme justement pouvant être une illustration de cette histoire des sensibilités et de ce qu'on la renvoie peut-être à quelque chose de féminin. Oui, c'est-à-dire justement parce que, je vais pas faire la généalogie de mes lectures, mais Arlette Farge a beaucoup dit ça, cette forme de relégation de ce qu'elle pouvait faire au rang de sensiblerie. Voilà, c'est de l'histoire de bonne femme. Voilà. Et il me semblait intéressant justement de l'interroger, alors à travers le livre de Virginia Woolf, parce que justement ce qu'elle avait essayé de faire, si on le lit avec ce prisme-là, ce qu'elle a fait en 1925, c'était essayer d'écrire le monde environnant, c'est-à-dire les impressions sensibles qui viennent de, je sais pas moi, l'écoute du son d'une cloche ou que ce soit les gestes prodigués entre amoureux dans une rue ou à peu près tout ce qui se présente à nos sens et à notre intellect dans une journée, et essayer de montrer qu'on peut le décrire autrement que par une succession d'impressions, par exemple chronologiques, mais avec des prismes qui sont ceux de ce que elle, on l'a renvoyé à la sensiblerie, c'est-à-dire avec un prisme de cette sensibilité féminine qui regarde les choses différemment, par l'intériorité, par l'attention aux menus détails. Et il me semblait intéressant, je le fais sur un paragraphe, il faudrait le faire en entier, mais ça me semble extrêmement intéressant pour déverrouiller ça. Et ça nous apprend aussi à nous, à, d'une part, pas lire naïvement tout ce qui se présente et ainsi de suite, mais aussi d'être capable d'interroger ces formes de sensibilité qu'on investit dans la description du monde. C'est-à-dire les acteurs sur lesquels on travaille, mais nous-mêmes. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en avant quand j'écris ça comme ça, qu'est-ce que je dis? Quand je parle de telle affaire, le coq dont on parlait tout à l'heure, qu'est-ce que je fais? Voilà, qu'est-ce que je mobilise? Et si je peux juste rajouter un mot par rapport à... Alors, je ne répète pas tout ce qui a été dit, mais il me semble qu'il y a quelque chose d'intéressant en histoire. Il faudrait interroger, alors avis aux amateurs, faire cette histoire des modes de relégation de l'histoire des sensibilités à l'intérieur de la profession des historiens. Moi, je rappellerais simplement, alors c'est un chantier, il y a du boulot. Il me semble intéressant de rappeler que si on ne raisonne pas strictement en historien, il y a quand même quelque chose qui se produit depuis 5-10 ans, qui est la relégation. Enfin, on a abandonné tout ce registre-là aux sciences cognitives, au biologisme et ainsi de suite. Il ne me semble pas absurde que les historiens s'en emparent. Voilà, aujourd'hui. Donc là aussi, vie aux amateurs. Je n'ai fait que rêver, je n'ai rien fait de plus, sinon de l'embrasser, ça n'arrivera plus d'ailleurs, elle ne m'a pas aimé. Mais non, je ne t'ai pas trompé, elle ne m'a rien promis, elle ne m'a rien donné. Et oui, c'est le Michel Sardou de 9h51 dans la Vous fabrique de l'histoire. Coupé, hein. Je ne t'ai pas trompé, c'est pas parce que j'aime pas Michel Sardou, non. Bon, bah. On est en retard, il faut absolument conclure. Enfin, il va falloir conclure avec nos trois invités et dire aussi qu'il y a dans ce numéro de 20e siècle consacré à l'histoire des sensibilités au 20e siècle un formidable article de Anne-Claire Rebraillon qu'on connaît bien à la fabrique de l'histoire depuis un certain moment, qui d'ailleurs suit celui de Clémentine Vidal-Naquet puisque c'est autour des métamorphoses de l'intimité. Et donc, on parle là de l'adultère, du sentiment amoureux. amoureux et de la conjugalité à travers une correspondance comme celle qu'a découverte donc Anne-Claire Robérian régulièrement pour ses travaux historiques, des correspondances entre amoureux, donc couple, soit légitime, soit illégitime, et sur laquelle elle travaille. Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord, ce qui me semblait intéressant, le recours à la correspondance privée comme source d'histoire. Alors, ce n'est pas nouveau, mais qu'est-ce qu'on va chercher là-dedans et quelles sont les précautions qu'il faut prendre? Et d'autre part, ce qui l'a intéressé, elle, c'est que c'était un couple adultère qui ensuite devient un couple légitime. C'est-à-dire qu'ils ont des enfants ensemble, des enfants cachés. Un peu l'histoire de Masters et Johnson qui est dans la série Masters of Sex dont on parlait il n'y a pas longtemps. Elle va finir par divorcer, l'épouser lui. Et puis, il y a aussi le fait qu'elle a 10 ans de plus. Bon, elle vient de la bourgeoisie parisienne. Elle a 10 ans de plus, et puis c'est elle qui l'initie à l'amour, à la sexualité, mais aussi à l'amour, et la correspondance engage tout ça. Et ce qui est important dans l'analyse de la correspondance, c'est précisément qu'est-ce que ça nous raconte de la montée de nouveaux codes amoureux dans la société d'après 45, parce qu'on sait, on est entre 1945 et 1960. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce qu'on remet en cause les modes de conjugalité traditionnels? Comme elle dit, alors par bribes, mais pas complètement. Alors on est aussi avant la révolution sexuelle et ainsi de suite, donc c'est intéressant d'aller plonger là-dedans. Et elle se rend compte qu'au final, c'est quand même la place de la sexualité dans les rapports de couple se transforme, la manière d'en parler, comme disait Clémentine, se transforme, comme pour la guerre de 14, il y a un moment où on parle de sexualité. Au bout du compte, ça renforce finalement la conjugalité traditionnelle, puisqu'ils finiront par se marier. Ça renforce les rôles conjugaux, parce que c'était la femme qui initiait l'homme, puis finalement c'est l'homme qui a besoin d'être rassuré. Bon. Et ça me semble un observatoire rêvé pour essayer de comprendre tout ça. Voilà. Clémentine Vidal-Naquet, vous qui faites votre sel de tous ces lettres que vous avez trouvées de correspondance, en particulier de couple, pendant la Grande Guerre. Oui, ce qui me semble intéressant là aussi dans l'article d'Anne-Claire, c'est que on est face à une correspondance exceptionnelle et on a tous ce même problème. Moi, j'ai travaillé sur des milliers de lettres pour mon travail sur la guerre de 14, mais ce ne sont que 80 correspondances suivies sur les 5 millions de couples séparés pendant la guerre. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une question quand même. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 80 correspondances sur les 5 millions? Qu'est-ce que ça nous permet de dire? Est-ce que c'est un panel représentatif ou pas? Je pense qu'il ne faut pas le considérer comme ça. Bien sûr. Il me semble que ce n'est pas exactement ça. Et on peut s'interroger aussi sur qu'est-ce qu'on y trouve? Parce qu'on trouve... on revient encore à Alain Corbin qui sépare le non-dit et le non-éprouvé, ou qui dit que ce qui n'est pas dit n'est pas forcément... non éprouvé. Et de la même façon, est-ce que dans ce qu'on écrit, dans ce que nous, on peut lire, est-ce que tout ce qui est écrit est éprouvé? Moi, je pense que le processus d'écriture, et bien que dans l'écriture de la lettre, il y a une valeur, une dimension performative de la lettre, et que finalement, peut-être qu'on l'a tous subi, voilà, et qu'on n'écrit pas peut-être toujours ce que l'on ressent, mais peut-être qu'on ressent ce qu'on écrit. Et que du coup, on est dans ce processus-là compliqué, et de savoir en fait... Et compliqué pour l'historienne. Et compliqué pour l'historienne que je suis, bien sûr. Pour ces gens ont disparu, vous vous trouvez face à ces lettres. Je ne prétends pas retrouver en fait finalement ce qu'ils ont toujours ressenti. C'est l'histoire d'un renoncement un peu, l'histoire des sensibilités. C'est le même renoncement que prononçait, je cite souvent Alain Corbin ici à ce micro il y a quelques années, quand il disait « Saura-t-on jamais ce qui se passait dans l'intime de la chambre à coucher au XVIe siècle entre deux couples, entre un couple et puis un autre au XVIIe siècle, entre deux couples, ça peut arriver aussi. » il disait « Non, on n'y arrivera pas. Il y a un moment où on ne peut plus pousser la porte. » Alors simplement, pour la guerre de 14, il y a quand même une chose particulière, c'est qu'on a accès... aux couples dans leur banalité, dans leur quotidien, chose qui n'est pas possible, en fait, ni avant la guerre, ni après la guerre. Ce qui est un autre problème, pour savoir comment comparer ce que je découvre, moi, dans ces correspondances de guerre, avec l'histoire longue du couple. Périne Carvran. Oui, puis ce qui est intéressant dans ces correspondances aussi, et on voit bien ça dans les deux articles de la revue qui traitent de ces correspondances, c'est comment finalement les lettres disent aussi beaucoup du dehors, de l'extérieur, du regard des autres, de ce qui est admis, de ce qui n'est pas admis, de comment on se justifie, de comment on pourrait... Et ça, c'est intéressant parce que finalement, ça donne beaucoup d'éléments sur l'extérieur. Oui, en fait, ce qui est intéressant, il me semble, dans les correspondances dans lesquelles il y a à la fois la parole de l'un et de l'autre, enfin des deux épistoliers, c'est l'interaction. Et du coup, qu'est-ce que ça provoque, ces interactions-là? Et qu'est-ce que ça provoque en termes de construction des affects, de construction de sentiments, de reprise des éléments et des normes extérieures? Et, voilà. Et c'est ça qui est, à mon sens, intéressant. Hervé Mazurel, est-ce que vous pensez, vous qui avez travaillé sur cette longue histoire de l'histoire des sensibilités, qu'un tel numéro sera performatif, puisqu'on parlait de ça. je l'espère vraiment, hein, parce que je partageais vraiment le constat de départ, c'est-à-dire que les 20e-istes étaient un peu en retard, hein, dans ce domaine-là, et donc, même si Stéphane-Audouard Rousseau, Pierre Laborie, qui a fait aussi beaucoup, pour, oui, beaucoup. Dans ce sens-là, et puis Christophe, hein, j'espère vraiment que voilà, ça va rentrer dans les pratiques des 20e-istes. Et que ça donnera des idées aux jeunes qui sont en train de préparer soit un master, soit en tout cas, on y travaille au quotidien, oui. Hein, et je pense que ça a de bonnes chances. En fait, plus la distance s'agrandit, plus c'est facile de travailler, parce que c'est un regard très anthropologique, l'histoire des sensibilités. Mmh. Et ça demande souvent un peu de recul, hein, par rapport aux générations sur lesquelles on travaille. Je pense que... Voilà. Oui, puis on sait qu'il y a une histoire des émotions qui est en préparation aussi, et qui sera probablement, alors un jalon, on ne sait pas, mais en tout cas qui sera un élément important de cette historiographie. Qui sera dirigé par Georges Vigarello, qu'on avait à notre micro lundi, Jean-Jacques Courtine et Alain Corbin, dont on a beaucoup parlé pendant cette émission. Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à ce numéro. Il faut citer aussi les autres articles des autres participants à ce numéro de la revue 20e siècle. Alors Maurice Alvax, évidemment, il n'est plus présent malheureusement pour nous, mais également, donc, on a cité Damien Baldin, Lauren Jens, dont j'ai beaucoup aimé l'article sur la curiosité gastronomique et la cuisine exotique, en particulier comment la cuisine exotique des colonies est entrée dans notre répertoire gastronomique dans les années 30, selon elle, au moment de l'exposition universelle. Votre article, Christophe Granger, sur le coq et le klaxon, Clémentine Vinalaki, on l'a cité, Anne-Claire Rebriand aussi, Marc Jones sur la naissance du sentiment de l'amour parental au Japon, Emmanuel Taïeb et Didier Fassin pour terminer. C'est donc le numéro de 20e siècle, revue d'histoire, numéro 123, juillet-septembre 2014, aux presses de Sciences Po. Il coûte 23 euros et ça les vaut largement. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marcet. Vincent René était à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez l'écouter pendant 1000 jours après sa diffusion, la télécharger dans l'année qui suit sa diffusion. Laissez vos commentaires et ne vous gênez pas sur nos pages, ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire. Vous avez été très très très très nombreux à aimer, à le dire, cette histoire des sensibilités, sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, ou encore à nous suivre sur le réseau Twitter.